Chapitre 21. La lutte décisive. Ce fut non seulement le lendemain de cette visite de l'abbé Kerbiriou au Rebutu, mais régulièrement tous les jours qui suivirent, que l'on vit Nédélec Gualen venir de sa lointaine demeure du Cap de la Chèvre, tantôt à pied, tantôt en profitant de quelques voitures faisant le trajet entre Crozon et Camaret, et frapper à la porte du presbytère. Elle n'avait pas été longue à se répandre dans tout le petit port la nouvelle de cette extraordinaire démarche faite par le recteur auprès de celui qui l'avait anathématisé du haut de la chaire. Et, durant quelque temps, il n'y eut pas d'événement plus important, plus préoccupant pour les Camarétois. Le soir même, immédiatement en revenant, Mahadour en avait apporté le premier bruit à l'hôtel de la Marine, où il était venu boire la goutte, autant pour se remettre de son long voyage que pour annoncer, avant tout autre, la chose. En plus de la patronne, de sa fille et des bonnes, il y avait justement, debout devant le comptoir, quelques pêcheurs devisant des derniers résultats de la pêche avant d'aller se mettre au lit. Avec eux, Balanec, assis à une petite table, bavardait à cœur ouvert en compagnie d'Hervé Morvan qui, depuis son histoire de la défense de Camaret racontée le matin et pour lui avoir donné aussi énergiquement raison contre les détracteurs du fortin, était devenu aux yeux du mareyeur l'homme le plus capable de tout Camaret. Mahadour du Seuil, tout son joyeux visage plissé de satisfaction mystérieuse leur lança « D'un fameux voyage que je viens à cette heure !» Tous se retournèrent, aguichés. Balanec fit « Ce Mahadour, toujours content, quelle nouvelle farce va-t-il nous conter au jour d'aujourd'hui ?» Mais le nouveau venu, sérieux, assura « Des contes comme celui-là, je ne vous en ai pas donné souvent !» Morvan demanda « Tiens, c'est vrai, tu nous as quittés bien brusquement ce matin, et sans dire pourquoi. »« Oui, dame, pour conduire monsieur le recteur qu'avait à faire. Et devinez où, un peu, pour voir ?» Lagadec haussa les sourcils. « Est-ce qu'on sait ?» L'autre enfla mystérieusement la voix. « Au Cap de la Chèvre !»« Qu'allait-il faire par là ?» interrogea Garec. « Eh bien, mais voir tonton Nédélec ?» riposta celui qu'on interpellait. « Il l'a vu ?» questionna Trémor, les yeux ronds d'étonnement. « Comme je vous vois tous, et il est entré chez lui la tête haute. Allez, c'est un fier homme, notre recteur !»« Tu sais ce qu'il lui voulait ?» reprit Balanec. « Oh, pour ça, monsieur le recteur est bien trop discret pour m'avoir conté ses affaires. » Mais quand le Rebutu l'a reconduit, tout courbé devant lui, en repentance de sa vie passée, sans doute, je l'ai entendu qui parlait de Denis le Marec. Bien sûr qu'il a promis de le soigner. » Tante Rosalie, une flamme de joie dans le gris bleu de ses yeux, avoua. « Voilà qui me fait plaisir. Ah, mais oui, je me disais bien aussi que monsieur le recteur était un esprit trop élevé, une âme trop charitable pour ne pas, un jour ou l'autre, s'entendre avec Nédélec. Tout de même, grogna Hervé Trémor, il faut qu'il soit joliment fort pour avoir obligé un saint homme, comme monsieur le curé, à venir dans sa maison de perdition, ce Rebutu. Kerbarec, achevant de vider son verre, qu'il venait de heurter contre celui de Trémor, protesta. Pour de vrai que personne ne l'a forcé, et que s'il y a été, c'est bien de lui-même. « Ton Rebutu est un homme comme un autre, après tout, quoi que tu en dises. Et si monsieur le curé a été chez lui, c'est qu'il croyait faire pour le bien. » Il eut un rire d'esprit fort. « Tu en es encore que je vois au jeteur de sort. Il y a longtemps que c'est passé, ces affaires-là. » Mais Trémor, l'œil mi-clos, les lèvres froncées, fit sourdement. « Les jeunes gens d'aujourd'hui, ça n'a plus de croyance à rien. Ça veut toujours savoir mieux que les anciens. » « On verra, on verra !» Et il s'en alla dans la nuit du quai, avec son idée que Nédélec Gualen continuait son œuvre, les tournait pour lui l'un après l'autre, le neveu d'abord, l'oncle ensuite. Il jeta en phrase d'adieu. « Vous verrez qu'il guérira Denis le Marec. Il sait mieux que les médecins de quelle maladie le neveu du recteur est malade, puisque c'est de celle qu'il lui a donnée. » De fait, soit que Nédélec Gualen possédât une science certaine, comme il arrive parfois à ces rebouteurs de campagne, que l'expérience, le flair, une sorte d'intuition incontestable conduisent à guérir les malades que des remèdes ordinaires n'ont pu soulager, soit que, dans sa demi-conscience des êtres, à travers les brouillards de la fièvre, Denis le Marec eût reconnu le vieillard et en eût tiré un heureux augure, reprenant quelque espoir vis-à-vis de Geneviève, une réaction salutaire se produisit dans son état. Dès la seconde visite de Gualen, les accès fiévreux diminuèrent d'intensité et le délire cessa. Marianne, ne pouvant contenir sa joie, en fit la première remarque s'écriant « Même au commencement de la maladie, après la première consultation des médecins, il n'a jamais été aussi bien !» Pierre Kerbiriou résistait encore, objectant « Attendons, tout n'est pas dit. Nous avons déjà été trop cruellement trompés. » Bien que cette amélioration lui causât un véritable soulagement, il éprouvait une sorte de mécontentement à la voir se manifester si rapidement après les premières visites et les premiers soins de l'homme du Cap de la Chèvre. Une mauvaise humeur grossissante grondait en lui, le poussant à nier ce qu'il voyait, à se refuser d'admettre que ce reboutou y fût pour quelque chose. Il répétait « Pour quelques méchantes infusions d'herbe, ce serait trop facile. Des plantes de la lande, pas autre chose. » Et il en voulait un peu aux médecins de leurs ordonnances plus savantes, de leurs remèdes indiqués en mots latins qui n'avaient pu produire l'effet puissant obtenu par ces simples. S'il n'eût pas possédé une foi aussi ardente, aussi inébranlable, s'il n'eût pas reçu une instruction, une éducation qui l'empêchait d'ajouter un crédit quelconque aux superstitions courantes du pays, et que, en breton de naissance et de race qu'il était, il se fût laissé influencer par l'atmosphère bretonne, il eût certainement admis, dans ses premiers et si rapides indices de guérison, la manifestation d'un phénomène en dehors des choses naturelles. Il murmurait, mécontent, se souvenant du rôle joué dans le culte païen par les herbes. « Les herbes, toujours, comme les druides. Ah, ces herbes, des plantes de Satan peut-être !» Cela le travaillait obstinément, ces comparaisons, comme s'il eût voulu raffermir à leur contact sa répulsion chancelante pour le guérisseur sans faire contre lui de redoutables armes. Chaque fois que Gualen venait pour examiner son neveu, il tenait à rester là, au chevet du malade, observant avec une curiosité soupçonneuse les moindres gestes du bonhomme, l'étudiant de ses yeux perçants qui eussent voulu pouvoir lui fouiller le cœur, le cerveau, pour y chercher le secret de ses pensées. Il semblait toujours attendre quelque chose qui ne venait pas et qui lui eût livré le reboutou en le montrant en révolte avec l'orthodoxie. Pourtant, soit que Nédélec répugnât à employer, avec le Marec et devant son oncle, les pratiques de bas charlatanisme dont il devait peut-être user auprès des sauvages de sa lande, des armoricains illettrés et inintelligents, soit que, réellement, il se contenta toujours de l'application toute simple de ses remèdes en compresse et en infusion, il ne donna jamais prise au prêtre sur lui. Une fois seulement, à une observation de Kerbiriou, il répondit, son sourire léger au coin des lèvres, « Je suis quasi un pasteur un peu comme vous, monsieur le recteur, pasteur des humbles, pasteur des bêtes, comme vous êtes le pasteur des âmes. » À le trouver d'humeur toujours si égale, n'offrant aux mots les plus durs, parfois échappés à la violence passionnée du curé prêchant quelque haute vérité de son église, que le même visage de douceur résignée et patiente, l'abbé Kerbiriou commença à se trouver singulièrement attiré par l'homme qu'il avait auparavant si rudement traité. Vaguement, au fond de lui, se mit à évoluer plus activement la pensée de l'avoir jusqu'alors méconnue. Cependant, il continua de résister à cet entraînement, s'en défendant comme d'un danger mystérieux plein de choses inconnues, faisant appel à tous ses souvenirs de séminaire pour s'énumérer les 1000 ruses du démon. La simplicité même de cet être, sa quiétude triste lui semblait une énigme, et il eût voulu les approfondir, y trouver autre chose que ce qui s'y rencontrait réellement. Mais toute sa sagacité de prêtre, toutes ses ruses de civilisé, tous les pièges habiles qu'il essaya de tendre à cet humble échouèrent, se heurtant à la même inébranlable tranquillité, à la même profonde confiance en Dieu. En même temps, la guérison de Denis le Marec entrait dans la phase active. Revenu à sa pleine connaissance, il s'éveillait avec un vif sentiment de béatitude à la vie nouvelle plus forte. Quand il le vit ainsi, son oncle eut un moment la pensée d'empêcher toute reconnaissance, toute entente surtout entre lui et Gualaine. Depuis qu'il allait mieux, pas une fois devant l'abbé, le jeune homme n'avait prononcé le nom de Geneviève. Mais Kerbiriou sentait que Denis était plein de cette pensée, que le moindre choc ferait jaillir de ses lèvres ce nom redoutable. Il eût voulu attendre encore, reculer toujours toute explication à ce sujet. Il n'osa pas, par peur de se trouver ingrat envers celui à qui il devait tant. Un matin, en se réveillant, Denis reconnut, auprès de son lit, Nédélec Gualaine, parti de chez lui pendant la nuit, afin de se trouver à Camaret à la première heure, et venu malgré les menaces du temps. Ses premières paroles avaient même été pour annoncer la mine toute mécontente et inquiète. Les feux de Saint-Mathieu et des pierres noires étaient bas sur l'eau cette nuit, c'est mauvais signe, et il m'a semblé que ceux de Saint s'élançaient vers le ciel, ce qui serait changement de temps ou tempête. Ouessant de même, jetait sa faucille au large. Puis il s'était approché du malade, le visage en pleine lumière. D'abord, croyant poursuivre jusque dans l'éveil une forme de rêve, Denis eut un soubresaut. Ses paupières retombèrent comme pour enfermer et retenir une vision suggestive des plus douces pensées, mais une voix coulait dans son oreille d'un ton calme. « Vous voilà mieux, Asteur, monsieur le Marec. » Ce n'étaient ni les rudes accents de Pierre Kerbiriou, ni l'affectueuse intonation de Marianne. De nouveau, le jeune homme ouvrit les yeux, cherchant autour de lui, et bégaya. « Tonton Nédélec, vous ? Vous ici ? Eh ! Il y avait eu un élan brusque vers lui, la physionomie soudain extasiée, prête à parler, à questionner. « Il est sauvé, guéri pour de vrai. Jésus Seigneur, vous avez fait ce miracle !» s'écria Marianne. En se retournant vers elle, le Marec aperçut son oncle. Il eut pour lui un regard si reconnaissant, si débordant de tendresse affectueuse, que le pauvre homme, oubliant en cet instant tout ce qu'il avait souffert, tout ce qu'il avait enduré, tous les cruels débats de son âme, de sa conscience, de sa foi, se jeta sur le lit pour étreindre Denis contre son cœur et s'écria « Denis, mon enfant !» Et presque aussitôt, montrant le vieillard immobile, « Ton vrai sauveur, le voici, c'est celui-ci. » Une seconde, l'idée vint à Denis de demander une explication, de se faire raconter comment l'excommunié, comment le reboutou du cap de la chèvre se trouvait là, au cœur même du presbytère, comment le curé le traitait avec de pareils égards et le proclamait si hautement le sauveur de son neveu. Mais c'était une fatigue trop grande pour son cerveau à peine évadé du tourbillon hallucinant de la fièvre, et il fit seulement d'une voix ravie. « C'est vous qui m'avez guéri ?» Le vieux berger hocha la tête, une flamme de contentement en éclair dans ses rides. « Vous aviez sauvé ma faïque. » Bien que ces mots eussent été articulés d'une voix basse, Le prêtre les saisit au vol, les devina plutôt qu'il ne les entendit réellement et, malgré toute sa force de volonté, toute sa puissance sur lui-même, une contraction brutale fronça terriblement ses sourcils, allumant un feu subit dans l'encre de ses prunelles. Il faillit manifester tout haut sa souffrance morale, sous la dure torsion qui lui étreignit le cœur, s'écrier avec colère « Elle, encore ! Ah, j'avais eu bien raison de ne pas vouloir !» Mais son neveu n'avait pas paru prendre garde à la réponse de Gualen. Il souriait seulement, apaisé, l'esprit détendu, promenant sur tous le même regard calme, heureux. Peut-être un changement s'était-il produit en lui sous l'influence prolongée et dissolvante de cette grave maladie. Rapidement, Pierre Kerbiriou eut cet espoir, et sa face assombrie s'éclaira d'un rayon vague, instantané, fugitif. Il lui sembla que c'était là une lutte décisive qui se livrait au bord de cette couche, transformée un moment en lit funèbre, et se souvint de l'épisode fatidique de la colombe blanche et du corbeau noir se disputant une âme, épisode si commun dans les vieux contes du pays qu'on lui avait appris autrefois en son enfance. Tous les détails lui en revenaient précis, comme s'ils eussent pu s'appliquer au cas particulier de son neveu. Il se rappelait ce cercueil du défunt que l'on place sur le mur du cimetière. À leur arrive des deux points opposés de l'horizon, un corbeau noir et une colombe blanche, qui se mettent aussitôt à le battre à coups d'aile. La colombe fait son possible pour l'envoyer dans le cimetière, et le corbeau travaille de son mieux à le faire tomber du côté opposé. Si la colombe l'emporte, l'âme est sauvée. Si au contraire c'est le corbeau, l'enfer possède une âme de plus. Les deux vers typiques de la très antique chanson bourdonnaient, croassant leurs syllabes celtiques, gravées en lui, inoubliables. Martrer i Malbran, var as gulmven, zai mari hatte dan i fern. Il les répéta presque à haute voix, traduisant comme pour s'en pénétrer davantage « Si le corbeau mâle l'emporte sur la colombe blanche, mariez-vous, vous irez en enfer. » En une sorte d'hallucination éveillée, Nédélec lui apparaissait sous une forme inquiétante d'oiseau, avec son nez en bec, sa face maigre, le repliement de ses bras sous la houppelande rabattue sur ses épaules, son long cou tendu vers le malade. Cela ne l'étonnait pas que ce fût lui le corbeau noir du comte, ce berger, compagnon des corbeaux noirs de la lande, si sauvage avec tous, et qui ne le fuyait pas, causant peut-être avec le reboutou de choses très anciennes qu'il savait en qualité de centenaire, de contemporain des pierres. Le brouillard de fantasmagorie qui enveloppait le prêtre, dénaturant pour lui les êtres et les objets, s'effaça peu à peu, s'envola, lui laissant sa rectitude de jugement, sa netteté de pensée. Et il souriait de son illusion bizarre lorsque Gualen, se levant pour faire ses adieux, annonça « Je ne reviendrai plus. Monsieur le Marek n'a plus besoin de mes soins. » Denis ouvrait la bouche pour poser une question, puis la referma sans avoir rien dit. Sans doute, il avait voulu parler de Geneviève et n'avait point osé. Marianne, qui se trouvait tout près de lui, le devina, comprit le danger qu'il y aurait à le laisser causer, et lui souffla rapidement à voix basse. « Ne dis rien, mon fils, et aie confiance, tout s'arrangera. » Il laissa retomber sa tête en arrière, le visage soudain illuminé, se répétant intérieurement le nom adoré. « Faïk, ma chère bien-aimée Faïk. » Occupé avec Nédélec Gualen, l'abbé Kerbiriou n'avait rien vu, rien entendu. Il disait en ce moment, au reboutou, « Il est à souhaiter que le changement de temps que vous nous annonciez n'arrive pas trop tôt. Toutes les barques sont dehors, à la pêche, et on ne trouverait pas un homme aujourd'hui à Camaret. » L'autre secoua la tête. Possible qu'ils auraient mieux fait de rester à terre, pour le poisson qu'ils ramasseront dans leurs filets. Voyez-vous, les phares l'annonçaient trop fort à la tournure de leur feu, il y a un mauvais coup de tempête dans l'air. Il venait d'ouvrir la porte quand, prêtant l'oreille, il ajouta « Tenez, qu'est-ce que je disais ? Écoutez plutôt, monsieur le recteur. » Une détonation sourde, contrariée par le vent ou étouffée par la distance, roulait lentement jusqu'à eux. « Ça vient de Penhat, qu'on dirait !» fit Marianne. Presque aussitôt, un second grondement, plus net, suivit, et quelques instants après, un son rauque, prolongé en mugissement de détresse, souffla sa lugubre plainte dans la direction du quai. Le prêtre s'exclama saisi. « C'est la trompe d'alarme! Il y a un malheur en mer !» Saisissant rapidement son chapeau accroché dans l'antichambre, il ajouta « Manaïque, garde bien notre convalescent, j'y vais. Oh, les pauvres gens !» Derrière le curé, et le suivant de près malgré ses enjambées rapides, Nédélec Gualen s'achemina du côté du port.